Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Au bord des corps. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec trois personnes qui sont également soignants. Et donc c'est dans le cadre du podcast sur les minorités au travail. On a préparé plusieurs questions, ça vous permet aussi d'échanger entre vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà individuellement ? Moi c'est Max, je suis étudiant en soins infirmiers en deuxième année actuellement auprès du CHU de Bordeaux. Je me genre au masculin, effectivement, ça peut être utile pour la suite de l'histoire. En termes de minorité, je suis trans, mais je suis blanc, je suis plutôt privilégié, enfin je suis plutôt bien loti en dehors de ça, on va dire. Voilà. Ok. Du coup, t'es en quelle année ? Deuxième. Ok. Du coup, sur 3 ans. Et donc, t'as déjà fait un stage dans quel genre de service ? Un peu de tout en fait, sauf les services d'urgence, mais sinon services hospitaliers, domicile, psychiatrie, un peu de tout. Ouais. Ok, ça marche. Bonsoir, moi c'est Néo, je suis médecin thésé depuis 3 ans. Je travaille au CHU de Bordeaux dans un service de médecine interne et post-urgence. Je suis trans, non-binaire. Je reformule pour Néo, qui voulait se présenter comme blanc. Ça marche. Et du coup, tu travailles en urgence, t'as dit ? Dans le service de post-urgence. Post-urgence, ok. Ok. Et je fais aussi des gardes aux urgences, des astreintes. Ok. Et depuis 3 ans, tu fais ça ? Je suis très thésée depuis 3 ans, mais si on compte l'internat et tous les stages que j'ai fait avant, je travaille à l'hôpital depuis plus longtemps. Ok. On peut te demander sur quoi c'est, enfin quoi était ta thèse ou... Oui, c'était de la microbiologie. En fait, c'était les alternatives aux antibiotiques pour les traitements à infections, des infections à bactéries multirésistantes. Donc oui, c'était parce que je suis spécialisée en maladies infectieuses. Ok. C'était vraiment axé là-dessus. Ça marche. Et du coup, avant, t'étais aussi en études ici sur Bordeaux ? Non, j'ai fait une partie à Strasbourg. Et j'ai fait une année aussi à Paris, une année à Périgueux, et maintenant je suis à Bordeaux. Ok. D'accord, ça marche, merci. Et moi, du coup, c'est Loxo, je suis en cinquième année de médecine. Du coup, je suis une personne blanche, issue d'un milieu bourgeois, et je suis une personne transmasculine. On dit plutôt sur le plan psychique et quelques 10, mais surtout psychiatrisé. Bon, du coup, votre point commun, du coup, à tout cela, c'est pour des personnes transmasculines. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez particulièrement dans votre travail, formation, ou que vous avez senti dans votre formation et maintenant dans votre travail, selon chacun ? Oui. Merci, c'est tout ce qu'il veut. Voilà, bonne soirée. Voilà. Non, oui. Enfin, après, voilà, je pense que pour moi, il y a un peu deux choses qui ont du coup évolué. Qui sont encore en train d'évoluer pour moi parce que il s'avère que je suis en train d'aller vers un passing, enfin du coup une apparence, on va dire, plus identifiée masculine qu'au début de ma formation il y a presque 2 ans. Donc on va dire il y a la partie ce que les autres renvoient. Et il y a la partie comment moi je me présente. Donc la partie comment moi je me présente, elle est... depuis le début, ça pose problème, puisque... Enfin, ça pose problème. En sens, je suis arrivée dans la formation en me présentant comme moi, quoi, comme Max, mais en n'ayant pas changé de prénom ni de genre à l'état civil, tout ça. Donc il a fallu expliquer, réexpliquer, réexpliquer, etc. Je réexplique encore aujourd'hui, donc c'est pas... toujours pas ça complètement. Et après par ailleurs dans le, et ça c'est plus dans les, donc du coup dans la formation, en fait les personnes qui, enfin les formateurs, formatrices me connaissent maintenant, puisque je les ai bien fait chier depuis 2 ans. Donc je pense que je suis à peu près la seule personne qui s'identifie vraiment. voilà. C'est-à-dire que tu les as bien fait chier. Enfin, je les ai pas fait chier, ça devrait être normal, mais disons que j'ai pas trop lâché l'affaire pour qu'ils changent mon prénom sur les listes d'appel, par exemple. Mmh. Et que, en gros, que mon prénom d'usage soit acté au sein de l'école, parce que c'est la loi d'ailleurs, mmh. Enfin, c'est possible en vrai légalement, et notamment l'école d'infirmiers dépend de l'université de Bordeaux, et l'université de Bordeaux a une procédure exprès pour ça qui ne suppose pas d'avoir changé de prénom sur les papiers ou quoi. Sauf que, évidemment, je condamne un peu vite. Malheureusement, l'école d'infirmiers, en tout cas du CHU de Bordeaux, n'était pas du tout au fait de cette procédure. Mais au lieu de me dire qu'ils ne savaient pas, ils ont commencé par me répondre qu'ils avaient consulté l'équipe juridique et que ce n'était pas légal. Wow. Donc en gros, j'ai dû batailler un petit peu, leur fournir des preuves, papiers, etc. Aller jusqu'à un entretien avec la directrice adjointe, pour lui dire, gentiment, renseignez-vous, et puis j'ai dû y compris fournir du coup les preuves papiers, mais bon, comme j'avais fait la démarche par ailleurs auprès de la fac et que ça n'avait pas posé problème, en gros, ça a fini par plus ou moins passer. Officiellement, c'était OK, sauf que en gros, là, encore il y a un mois ou deux, y avait encore des listes d'appels au sein de l'école où j'étais à mon ancien prénom. Donc je me suis un peu énervée, et là, ça se calme. Je croise les doigts, mais depuis seulement un mois environ. Mais depuis un mois, il semblerait que je sois bien enregistrée sur toutes les listes. Mais voilà, mon entrée dans l'école, c'est il y a 2 ans, quoi. Donc, Ouais, du coup, ça fait 2 ans que c'est la même... Voilà, c'est un peu toujours la même chose. Alors, Ausweis papier, s'il vous plaît. Autant ! Mais que se passe-t-il ? Vraiment, je ne comprends... Pas la peine de prendre vos grands airs. J'ai dit Ausweis ! Moi, c'est... déjà, je pense que le fait d'être une personne trans à l'hôpital... Enfin, moi, j'ai grave le truc de me dire, ça m'épuise, bien sûr, toute la transphobie quotidienne, les mégenrages constants qui viennent bizarrement beaucoup plus des médecins que, très bizarrement, très très bizarrement, beaucoup plus des médecins que des patients et des patientes, mais... Enfin, moi, le truc qui vraiment me pèse le plus, c'est plus au niveau du handicap psychique, où genre c'est des études qui ne permettent pas. Et puis même, de manière générale, le travail, en fait, je le fais. Enfin, l'hôpital annule. On annule les études, mais genre vraiment l'hôpital. Genre juste, c'est. En fait, c'est une machine tellement hiérarchisée, tellement structurée que, en fait, c'est vraiment une structure qui, moi, genre, me met par terre, KO, quoi. Enfin. Tu peux donner un détail, des détails ou un exemple de. Parce que toi, genre, par rapport à ton fonctionnement, justement, ce genre de structure, c'est quelque chose qui ne correspond pas à ce qui. Mais parce que l'hôpital, c'est vraiment la hiérarchie vraiment bon voilà aussi le truc c'est que être anarchiste à l'hôpital c'est pas forcément comme je sais pas un mouton au milieu d'une de loupé mais c'est plus en fait que tout le monde a sa place, tout est très rythmé, il y a pas le temps, il y a pas de budget, il y a pas de il y a rien, il y a en fait et il y a surtout genre vraiment la hiérarchie qui est vraiment sacralisée au possible, enfin alors on contredit pas le PUPH, tu peux définir, je sais, le chef de service, en gros le professeur universitaire praticien hospitalier, okay. C'est un peu mais voilà. Rien que on parle ça, pas de cumuler les 3 postes les 3/4 du temps au calme, directeur dans la bonne recherche ça ne pose problème à personne on apparemment. On n'avait pas dit le cumul des mandats. On ouais, non, vraiment, en vrai, ça ne pose pas de problème. Mais en gros, c'est genre l'interne a le droit d'insulter l'externe, et l'interne se fait insulter par le chef de clinique qui se fait insulter par le PH qui se fait insulter par le PUPH. Globalement, c'est ça. Super. Genre voilà, et moi je suis un peu en bas de la chaîne de l'insulte, mais tout en étant au final, à côté des autres professions qui elles ne monteront pas dans la chaîne de l'insulte. Comme quoi, comme profession ? Mais par exemple, je pense que les personnes aides-soignantes, infirmiers, infirmières, ASH, etc. Ont le droit déjà à beaucoup moins de respect que moi je pourrais en avoir le droit, et pour le coup c'est pas une situation qui a l'air d'être en grand changement à l'hôpital, enfin du moins les médecins ne se posent pas la question de comment ils parlent aux autres professions de soins en fait, de manière générale. Et donc il y a pas un truc, une ambiance de on ne contredit pas. Et les ordres sont les ordres. Ah oui, parce que je suis addict aussi, et ça m'aide pas beaucoup non plus. J'ai oublié de le préciser. Et j'ai un TDAH, c'est pour ça que je balance des trucs complètement de manière désorganisée. C'est trouble de l'attention et de l'hyperactivité, enfin avec ou sans hyperactivité. Dans mon cadre, ce sera avec. Voilà. Mais ça fait partie des multiples trucs qu'on m'a diag et non diag d'ailleurs, diag et anti-diag, okay. Tout est possible. Un diag pour diagnostic du coup. À toi, Néo ? Je suis assez d'accord avec l'Oxos sur le sens où bon, déjà l'hôpital c'est la deuxième institution la plus hiérarchisée après l'armée, donc déjà pour ça c'est pas mal, t'as pas tout droit à la parole selon où tu te situes dans l'échelle. Et moi, la deuxième chose, c'est que en 12 ans d'études de médecine, j'ai jamais entendu parler de transidentité, ni d'autres genres, ni même d'autres orientations sexuelles. Donc en fait, il y a une énorme carence dans la formation des soignants, que ce soit les médecins, mais même aussi les infirmiers et les aides-soignants, de ce que j'ai pu observer dans ma pratique, dès qu'elles étaient, ils et elles étaient confrontés à des personnes trans. C'était compliqué quoi, c'est elle a pénis, bah c'est un homme, non c'est une femme trans, non mais c'est un homme, voilà. C'était... Je confirme, il y a une totale absence dans les études aussi des vocations. C'est vraiment le désert. Alors quand vous pointez en tant que personne trans, alors déjà bon moi j'ai commencé ma transition il y a seulement un an, et donc quand j'ai postulé au CHU, c'est encore mon ancien nom parce que bon, j'ai fait les demandes d'état civil et changement d'état civil, tout ça, mais bon, là c'est en cours, j'ai pas fini. Donc, même en leur expliquant ce qu'il en était, ils ont dit ah oui, mais nous il nous faut les papiers de la préfecture, du tribunal, machin. Donc, ils m'ont présenté. Donc, nouvel médecin qui va arriver, mais mon genre est féminin, ils ont dit mon ancien prénom. Ce qui fait que bon, bah je me suis pointé, c'était elle, c'était. Voilà, et ils se sont même pas posé la question en voyant mon aspect, ah tiens, il y a peut-être un. Même ma voix et tout, enfin bref, ils se sont même pas posé la question. Ce qui fait que déjà j'ai dû batailler pour leur expliquer parce qu'ils comprenaient pas la notion de trans, non-binaire, non, on comprend rien, parce que c'est vraiment tous des hétéros cis normatifs. Mm. Ils sont pas méchants, mais c'est vrai qu'ils ont un peu de mal. Bonjour. Et ouais, un petit peu ça, ouais. Et donc là, ça fait 7 mois que je suis dans le même service et on en est encore à je me plante, je te dis elle, je suis alors que je suis à côté de toi, que je parle, que j'ai. Voilà, et la dernière fois, il y avait changement d'interne, il y avait des nouveaux internes. Moi, j'aime bien m'occuper des internes parce que bon, je suis PH contractuel, mais je suis pas méchant, je ne casse pas les aides-soignants. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'aime bien en général. Et il y a une soignante, elle a pas fait exprès, mais elle déboule. Ils connaissaient pas mon ancien prénom du coup, parce que ça, ils ont quand même fait l'effort d'arriver maintenant à m'appeler par mon nouveau prénom. Elle déboule, elle dit ah machin, et elle m'appelle encore par mon ancien prénom. J'ai dit mais non, mais. Parce que les internes, ils étaient pas au courant, et là, franchement, ça a tout cassé. Oh non! Arrête de niquer mon outing. Ouais, voilà, c'était. Donc en fait, oui, c'est. Vraiment, le problème du milieu de soins, c'est qu'il n'y a rien dans leur formation qui les sensibilise à ça. Et comme on est dans une société qui est vraiment très axée, t'as un vagin, t'es une femme, t'as un pénis, t'as un mec, ça c'est les études, c'est comme ça. Ben, du coup, ils ont vraiment du mal à capter que non, il y a peut-être autre chose à côté, il n'y a pas que ça. Donc oui, du coup, je suis là, vraiment le seul à être trans, et j'ai jamais pu travailler avec des trans non plus, avec des personnes gays ou lesbiennes, oui, mais qui étaient cis, mais du coup, bon, qui ont une sensibilité par rapport à ça, donc qui respectent, mais sinon c'est vrai que... Non, vraiment, là, je sentais le poids et aussi tous les malentendus qui vont avec. Du genre, ils ont mis un tampon avec mon ancien prénom. Donc quand je cachette les ordonnances avec mon ancien prénom, donc je signe, donc le patient part avec son ordonnance, et puis tout d'un coup, il y a le médecin traitant, le pharmacien autre, qui dit « Ah, j'aimerais bien parler au docteur machin, parce que j'ai une question à lui poser par rapport au patient, à l'ordonnance et tout. » Donc l'aide-soignante passe au téléphone, « Allô, oui, ah, j'aimerais bien parler à lui. Non, mais c'est moi. » c'est à chaque fois des petits malentendus comme ça qui... Des mini-outings 15 fois par jour. Oui, voilà, qui vécu au quotidien sont lourds. C'est vrai. Et quand je suis d'astreinte, pareil. Alors, mon urgence, ils commencent à me connaître maintenant. Donc, ils font. Mais quand c'est d'autres personnes qui m'appellent pour un avis infectieux ou autre, on va parler au docteur. Voilà. J'ai dit oui. J'écoute. Elle dit ah, mais. Tu me passes ta femme? Je dis non, mais c'est pas. Oh, voilà. Tu me passes ta femme? Là, il y a le truc à te renommer qui revient, genre. Ouais, c'est voilà, que voilà. Nous, par le pire, c'est que nous, vraiment, on en rigole tellement, c'est genre, on est vraiment, mais quitte à se faire hétéro, si. Non, mais. Mais la dernière fois, on discutait, genre, au self, et puis j'ai discuté avec mes collègues, qui sont tous hétéro, cis, mariés, des gosses, qui me sortent. Ah ouais, mais tu sais, franchement, ouais, t'es pas mal comme gars. Je pense que tu dois vachement plaire aux filles lesbiennes. Je les regarde. Mais pourquoi lesbiennes, en fait? Enfin, c'est intéressant ce que tu dis parce que. Enfin, déjà, c'est intéressant ce que tu dis. Et en fait, ça me fait réaliser que c'est pas. Enfin, on avait déjà un petit peu parlé avec l'Oxo, du coup, mais. J'ai l'impression que c'est quand même moins pire dans le milieu infirmier. Bon, je me rassure peut-être comme je peux, mais... Non, enfin, en fait, je sais pas si c'est moins pire, mais je pense qu'il y a, une différence quand même statistiquement, je pense, de classe, en vrai. Enfin, les personnes... Enfin, moi, je suis pas concernée, parce qu'en l'occurrence, je suis d'un milieu bourgeois, et genre, je suis arrivée là un peu comme un cheveu sur la soupe plus tard, mais en vrai la plupart des personnes qui suivent ce cursus sont plutôt des personnes issues de milieux précaires. Il y a beaucoup de personnes racisées, il y a beaucoup de personnes concernées en fait par d'autres minorités. Alors je n'ai jamais rencontré de personnes queer à part moi-même dans cet univers là, mais par contre il y a beaucoup d'autres personnes minorisées. Donc je sais pas, j'imagine que ça joue peut-être, mais en tout cas, il y a un peu un truc, désolée ma phrase est un peu alambiquée, je sais qu'on en a parlé aussi, Eclo, mais sur le côté, en fait dans les études, il y a un peu ce truc de, bon nos études sont courtes hein, déjà 3 ans, donc faut faire un peu un truc compact de plein de choses, voilà, et ça donne des choses un petit peu absurdes parfois et très voilà, très random sur tout ce qui va être relations humaines et tout ça, parce que du coup on essaie de nous apprendre quand même des choses là-dessus, et je veux pas trop cracher dessus parce que je sais que ça va de plus en plus vers ça, et je pense que c'est bien qu'avant il y avait moins ce genre de truc dans la formation, et qu'en vrai c'est le plus important dans le taf d'infirmier, mais pardon, je m'égare. Le point, c'était que dans tous ces trucs où on est censé apprendre finalement à avoir des relations humaines avec les personnes qu'on va prendre en soin, il y a beaucoup ce truc de, en gros, vous allez être confronté à plein de personnes très différentes, donc vous ne posez pas de questions. Enfin, en fait, c'est un peu ce truc-là qui est renvoyé, c'est genre, on n'a pas le temps, slash... Bon, ça, bien sûr, les formateuristes ne le disent pas, mais on n'est pas formé pour vous faire des cours de sociaux, voilà, proprement, tout ça, pour parler, par exemple, de la transidentité, par exemple, ouais, ne serait-ce que de l'homosexualité ou de la bisexualité ou d'autres orientations sexuelles. Je parle même pas de la sexualité, mais bon, voilà. En gros, ça, bon, pas le temps, slash, pas la formation pour, donc... en fait, ce qu'on vous présente de façon synthétique, c'est un peu... c'est pas le client terroir ou le patient terroir, mais presque. Enfin, c'est, en gros, vous ne posez pas de questions, quoi. Si la personne vous paraît bizarre, je caricature, mais c'est vraiment ça qu'on en retient, je trouve. Et pour en avoir parlé à des camarades de promo, c'est ça qu'on retient. C'est en gros, tu rentres dans une chambre, tu vois une personne à poil couverte de chocolat, je dis n'importe quoi, hein, mais tu te poses pas de questions. Enfin, je veux dire, tu dis... tu travailles ton attitude de neutralité, quoi qu'il arrive. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, la transidentité rentre là-dedans pour beaucoup de personnes infirmières. C'est-à-dire, moi, c'est très... Enfin, on m'a quasiment jamais posé en stage de questions frontales sur le fait que j'étais trans, quasiment jamais. À chaque fois, j'y reviendrai, mais enfin voilà, à chaque fois je faisais des coming out juste entre guillemets, juste à la hiérarchie, et puis je laissais après les personnes expliquer, puis après je venais, je me présentais comme moi, et puis point barre. Et en vrai, parfois j'ai appris qu'il y avait eu des questions dans mon dos à la hiérarchie, mais j'ai pratiquement jamais eu de questions directes. Mais c'est pas pour autant que c'était, enfin je sentais que c'est pas pour autant que c'était entre guillemets compris ou accepté ou quoi, c'était juste ah bah on fait avec, quoi, comme on fait avec n'importe quelle patiente, quoi qu'elle fasse, quoi, enfin que quels que soient ses comportements absurdes ou quoi, enfin c'était un peu ça l'idée, j'ai l'impression. Voilà, donc c'est intéressant, mais c'est pas tout à fait, enfin j'ai pas, pour le coup je fais pas vraiment face à ce genre de réflexion par exemple. Et même entre collègues, ça va plutôt donner... tout le monde se parle de son mari, sa femme. Moi, on me pose pas de questions, du coup. On n'ose pas me poser de questions. Parce que je pense qu'on a peur de la réponse, de genre... Ils ont peur de ce qui sort des normes. Ouais, c'est ça. Du coup, juste, on me pose pas de questions, quoi. Je suis plutôt à part des discussions de salle de pause, du coup. Ce que vous disiez tout à l'heure de comment juste les minorités de genre et les minorités sexuelles sont abordées dans les études de soins, en fait on peut dire qu'elles sont pas abordées du tout, mais même pas, parce qu'en fait elles sont abordées mais dans des cadres et des contextes, moi quand je vois dans un dossier progressif en examen par exemple dans mon énoncé homosexuel, je sais qu'en fait là ce qui vient c'est un dossier sur les IST ou sur le sida en fait. Donc en fait genre oui on parle des minorités sexuelles et des minorités de genre, mais on n'en parle que dans des cadres genre pathologisants, stigmatisants, et genre et ça s'est vraiment pas quitté, et sinon ça n'existe pas dans d'autres cadres en fait. C'est pour ça que genre les trois quarts des soignants en fait forcément quand on nous voit on est genre les personnes à risque de, en fait on est des personnes avec un terrain de je sais très bien que quand je m'out en tant que personne trans, je suis une personne à risque de séropositivité IST et là genre vient le combo avec la psychophobie par exemple quand je me suis outée auprès de mon coordinateur de promo, mais on en reviendra peut-être plus tard. Mais pas très longtemps après, il m'a envoyé le contact d'une psychiatre, alors que je lui ai explicitement dit que je ne voulais pas voir de psychiatre avec ces mots-là, en me disant que ça me serait sûrement utile. Ou en essayant de me faire passer qu'il y avait des psychiatres qui étaient spécialisé, enfin non renseigné à propos de la question. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire en fait, des psychiatres renseignés ou spécialisés à propos de la question de la transidentité, parce que historiquement ça n'inspire vraiment rien de bon quoi, genre voilà. Ouais. Moi, je veux pas, après je veux pas trop retarder le truc ou quoi, mais c'est juste pour rebondir là-dessus, là encore ouais, je pense que je sais pas, peut-être la, enfin en même temps en médecine il y a aussi une diversité de taf hyper grande, mais j'ai l'impression, enfin en gros en soi infirmier, ce qui me saute aux yeux quand même c'est le côté quand même l'écart entre la diversité des réactions que je peux avoir sur le terrain de bon effectivement c'est compliqué à super inclusif nickel, en passant par on comprend pas trop mais j'explique une fois et c'est bon, enfin il y a un petit peu toutes les configurations, et ce qui et pour le coup peut-être enfin plus que ce que j'ai l'impression ce dont vous me parlez vous sur le terrain, ou pour le coup moi ça me quand même et en plus assez souvent arrivé de tomber sur, alors pas des équipes entières mais des personnes qui étaient vraiment genre aucun souci et voire très soutenanteux et de la bonne façon, enfin ça arrive vraiment. Ça dépend beaucoup des services, des contextes et tout, mais ça arrive. Par contre, j'ai l'impression que du coup, les études, c'est un truc freinant par rapport à l'expérience de terrain dans ce sens-là. Enfin, mais sur plein d'aspects d'ailleurs, enfin, sur plein d'aspects humains, notamment d'ailleurs la psychophobie. Genre, j'ai l'impression que les études, c'est un peu comme si on revenait à essayer de faire des cases, notamment sur le relationnel humain et sur. Voilà. Hyper simplifié, parce que on va pas se mentir, dans les études d'infirmiers on se sent un peu pris pour des cons tout le temps, enfin des fois t'es là en mode oui moi je me doute que je ne vais pas insulter la personne dont je m'occupe, c'est quand même enfin relativement intuitif. Ce qui est horrible, c'est qu'il faut le préciser dans les études de médecine, quoi, parce que genre voilà. Les médecins insultent leurs patients comme genre vraiment. Voilà. Mais... Et par contre, ouais, du coup, il y a des espèces de retours en arrière. Enfin, voilà, là, il y a un TD typiquement. On va pas avoir de trucs genre avec, enfin, en tout cas pour l'instant, j'ai pas vu, je touche du bois, dénoncer avec personne homosexuelle ou personne trans ou quoi. Mais c'est plus, ça n'existe pas. Mais justement, genre ça existe tellement pas. L'autre jour, on avait un énoncé avec une histoire de. Pour donner l'exemple, mais je trouve qu'il est assez parlant. D'ailleurs, j'ai réagi, forcément, sur une personne qui était, bon, on s'en fiche, insuffisante cardiaque, enfin voilà, énoncé d'exercice type. Et en fait, dans. Non, d'ailleurs, je dis des bêtises, c'était pas un exercice, c'était un article, c'est pire. Du coup, c'est des personnes qui avaient publié ça. Et c'était. Et les personnes insuffisantes cardiaques étaient uniquement des hommes, 6, mais ce n'était pas justifié ou précisé, c'était comme une évidence dans l'article. Et l'article portait sur la façon dont ça impactait la cuisine que leurs épouses faisaient pour eux. Donc, tellement de trucs problématiques. Faites des études là-dessus, mais vous avez totalement raison, mais oui. Donc là, on était quand même plusieurs à tiquer un peu sur le côté les femmes à la cuisine, j'étais pas le seul à quand même dire ouais, bon, c'est un petit peu limite. Mais aussi, j'étais en mode, puis, coucou, le côté genre, en fait, tu n'as pas forcément. Déjà, il y a des femmes insuffisantes, enfin, il y a tout, rien qui va en fait. Il y a des femmes concernées par cette pathologie, il y a des personnes, ni femmes ni hommes concernées par cette pathologie. Bon, j'ai pas été jusque-là parce que je voulais pas faire exploser le cerveau de la formatrice, mais voilà. Je dis oui, puis peut-être les personnes sont pas mariées, peut-être il y a des couples homosexuels, et vraiment, j'ai senti un peu le vide dans son regard, mais de. Ouais, non, mais clairement. Oui, juste c'est loin, quoi. Clairement, non, mais les études de soignants sont très binaires. Ouais. Et il y a aussi, dans le cadre des études de médecine, encore beaucoup de misogynie, hein, faut dire ce qu'il y a. Même moi, avant de faire ma transition, j'ai vécu des choses en tant que femme qui étaient compliquées des fois. Hein. Ouais. Et puis, dans le cadre de tes études, du coup. Ouais. Ouais. Mais justement à cause de cette espèce de hiérarchie où c'est très encore phallocrate, avec le chef de service c'est souvent un mec, et t'as quand même une différence de traitement entre les hommes et les femmes. Les hommes ont quand même plus le droit à la parole, à l'autorité que la femme médecin qui elle, on va pas dire docteur, on va dire madame quoi. Ça continue doit faire ses preuves plus, j'imagine. Voilà, et ben, les trans dans tout ça, ben, c'est comme tu seras jamais considéré. En fait, tu seras jamais considéré comme un vrai mec parce que t'as pas de vrai pénis, tu vois. Donc. Une érection qui bande, enfin genre le phallus quoi. Genre, voilà, c'est ça. Non, mais j'ai ressenti ça dans un service où il y avait moi, il y avait un mec non binaire, donc du coup qui se mettait du vernis à ongles, voilà. Et puis un autre gars qui était cis, marié et tout, mais plus efféminé, on va dire. Et il y avait les autres. Vraiment les boulots. Les vrais mecs quoi. On sentait vraiment qu'il y avait une différence. Entre les deux camps, il y a les vrais mecs et il y a les faux mecs là. T'es pas un vrai mec. Ouais. Mais moi genre l'impression que j'ai par rapport à ça, parce que enfin moi genre il y a le truc de je suis pas hormonée et tout, donc enfin vraiment genre on me prend trop, enfin genre en fait genre il y a grave le truc de elle est trop mignonne et voudrait être un garçon. Voilà. Elle est trop chou. Vraiment, elle est trop mimi, quoi. Et vraiment, il y a vraiment un truc comme ça, quoi, genre de... ah là là, elle rêve, elle est naïve. Mmh. Ah là là là, trop mignon. Elle a pas encore compris que c'était pas possible. Un petit truc méprisant. Ouais, voilà. Un truc... et en fait, genre, de vraiment, genre, le truc de... Le patriarcat acéré, quoi. Enfin, genre... ouais, on aiguise un peu la lame, genre, pour ajouter un peu de transphobie là-dedans, quoi. Et genre... juste tu vas te prendre du sexisme et de la transphobie quoi, genre enfin voilà, et genre, et en fait du sexisme pour servir une transphobie quoi, parce que genre le but c'est de me réassigner ouais. Et que je prenne pas trop ouais, c'est ça. Genre leur place de mec cis quoi, genre par rapport à toute cette question de genre la binarité et l'essentialisme beaucoup dans les études de soins de médecine en général, est-ce que dès les études, du coup, enfin, c'est quelque chose, parce que comme j'imagine que les études de médecine, du coup, parlent du corps humain et du corps sexué, entre gros guillemets, est-ce que, du coup, dès le début de vos études, c'est quelque chose sur lequel vous, enfin, qui vous faisait violence aussi et sur lequel vous arriviez à prendre la parole pour interroger vos formatrices, vos enseignantes, genre là-dessus, sur, pour nier un peu ce côté genre bah, binarité sexuelle et de genre. Alors moi non, parce que les professeurs de la fac sont des entités un petit peu supérieures qui flottent au-dessus de nous et donc honnêtement, les interpeller dans l'amphi comme ça, non. Et en plus, je viens vraiment d'un milieu très traditionnel où, enfin, j'ai très longtemps, je savais pas de quoi je souffrais. Hein, donc c'est vrai que je savais que j'étais très gêné par rapport à certaines questions qui m'interpellaient, c'est vrai. Et surtout quand on parlait du corps féminin, parce que c'était tellement enrobé de clichés, de trucs que ça me... Mais non, j'ai jamais osé ni questionner les profs, ni... je me questionnais beaucoup moi-même, mais... Non, parce que c'était pareil, c'est... Enfin, toujours la hiérarchie qui fait que... on est un petit peu éduqué en médecine, quand on est en tout en bas, à fermer nos gueules et à suivre ce qui est communément admis. Et si on la ramène, on est de toute façon vu comme un emmerdeur et comme un... Enfin, comment dire, inadapté, voilà. Tu es inadapté. Mmh. Ouais, moi ça vraiment genre l'inadaptation, c'est vraiment un truc que je ressens quoi, genre je suis la seule personne à ne pas apprécier cet endroit en fait, apparemment, genre je suis la seule personne à être mal à l'aise à l'hôpital. Genre il y a vraiment le truc de toi si ça va pas, c'est peut-être parce que t'as pas les nerfs, t'es pas assez t'es pas assez forte, du coup t'es trop sensible. Ça très souvent genre et que vraiment genre c'est pas l'endroit dans lequel on est qui déconne quoi, genre c'est vraiment tu n'es pas adapté genre, puisque en même temps comme tu disais c'est tellement structuré, hiérarchisé avec une autorité comme l'armée et tout, qu'en fait la plupart des gens ferment leur gueule, donc puisque personne ne l'ouvre, c'est que tout va bien en fait. C'est genre vraiment ce truc de la culture du silence et de genre... Ah oui, c'est ça. Toi, Max, sur ce côté binarité dans les études Moi, j'ai eu la bonne idée de faire de la bio avant de faire infirmier parce qu'on veut toujours plus de sciences dures et essentialistes. Non, mais voilà. Et du coup, ça remonte clairement là. Enfin, les études d'infirmier diffèrent pas du tout des études de biologie en général qui englobent, à mon sens, c'est la biologie générale qui a un problème. Enfin, la façon dont on fait la biologie, en fait, qu'elle soit d'ailleurs, qu'elle concerne d'ailleurs les humains ou les autres animaux, hein, qui est hyper. On a décidé de fusionner les différentes notions de sexe biologique qui existent, mais qui sont plurielles, en une notion unique du sexe biologique et d'en faire un truc binaire qui classifie au même titre que. Genre la présence ou l'absence de poils, que des trucs qui sont censés être factuels. Alors même si c'est toujours relatif le factuel en biologie, mais voilà, on a mis ça au rang de genre les éléments qui classifient quoi, en fait. Pour moi, le problème, il remonte à là, en fait, parce que c'est pas... Enfin, je veux dire, après, finalement, la façon dont on classifie nous-mêmes suit cette logique. Enfin, je sais pas dans quel sens ça s'est fait, mais enfin, en tout cas, c'est... Faut reconnaître que c'est cohérent, même si c'est très malhonnête, mais c'est cohérent. Et du coup, pour répondre à la question, moi je m'étais en. Alors, moi je suis pas quelqu'un de très courageux, enfin j'aime pas du tout être dans le conflit ou râler ou prendre la parole et tout, c'est pas du tout des choses qui me mettent à l'aise. Donc, sur un malentendu, ça m'arrive, mais c'est vraiment pas trop ma personnalité. Et en fait en bio je m'étais embrouillée avec mes profs sur des questions d'inclusivité mais pas concernant les minorités de genre en l'occurrence c'était sur des questions de racisme voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est un autre sujet mais voilà. Mais où du coup je m'étais retrouvée, enfin si je raconte ça c'est parce que je m'étais retrouvée un peu face aux mêmes arguments que l'Oxo évoquait, à savoir ah, mais peut-être que vous devriez vous orienter vers les sciences humaines et sociales. Vous posez ces questions. Oui. Je considère qu'en tant que biologiste, on peut se questionner quand on produit des méthodes foncièrement racistes. Ça veut dire qu'il faudrait que je parte en sociaux. Bon, bah très bien. Super. Et là, la réfutabilité de la science, là, d'un coup, elle existe. Ah, bah là, non, bah non, c'est de la biologie, voyons. Qui est inventée par les mêmes élites. Bref, ouais, puis du coup. C'est de la biologie, donc en fait, les questions éthiques, ça nous regarde pas. C'est pas... Nous, on fait les méthodes, après, on n'est pas responsable de comment elles sont utilisées. Hein. Ce qui rappelle dangereusement des discours... voilà. répétés au cours de l'histoire. Mais bon, du coup, voilà, il y a eu ça. Et à ce moment-là, j'étais pas... Enfin, j'étais, à vrai dire, pas très... Enfin, je pense que je faisais pas trop gaffe au côté binarité de genre et tout, j'en étais pas là dans mon parcours du tout. Et du coup, après, bah là, en soins infirmiers, parfois je réagis à des trucs, mais disons que je pense un peu, ouais, un peu comme tu disais, Néo, que en fait, il y a tellement de choses, et même, enfin. Et même sur le sexisme de base, enfin j'ai l'impression que genre, enfin c'est bête parce que je voudrais pas faire un ordre ou quoi, mais bon, enfin quand je vois qu'on a dû faire un mail à une prof et que sur la promo on n'était que 6 à réagir, 6 sur une promo en plus essentiellement, c'est pas pour jeter la pierre aux personnes nées assignées femmes, mais pour le coup en soins infirmiers il y a essentiellement des personnes nées assignées femmes et qui se considèrent comme femmes, 6 a priori. Et on était 6, pour le coup 6, le chiffre 6, à réagir sur un commentaire d'une prof pendant un TD qui disait que, alors d'ailleurs je ne sais même plus d'où elle était partie, mais enfin, qui avait fini par nous dire que sa fille, quand elle était ado, elle voulait sortir, habillée un petit peu légèrement, et puis qu'elle, elle lui avait dit, va pas te plaindre, hein, si tu te fais agresser, tu l'auras bien cherché, après tu m'écoutes pas ce que tu veux, quoi. Bon, elle nous avait dit ça en TD, là quand même je m'étais dit bon, faut faire quelque chose. On avait envoyé un mail, nanana, mais c'est pour dire, enfin, le degré de là où il y a des réactions, on part quand même de super loin, quoi. Enfin, Je veux dire, et moi, du coup, après, lever la main en me disant, mais c'est-à-dire que là, vous incluez pas la non-binarité, vous comprenez, ouais, ouais, paraît... En fait, ça me paraît lunaire. Enfin, c'est pas que ça me paraît lunaire, c'est que je sais que ça va être lunaire pour les personnes à qui je vais le dire, et que du coup, enfin. Mais tu vois, genre, même moi, en tant que personne non-binaire, ça me paraît lunaire, en fait. C'est genre, là, je vais peut-être pas, genre, je vais pas te parler de non-binarité. Alors que genre juste tu es une personne terriblement genre raciste, sexiste, transphobe, genre juste classiste, juste sur les trucs de grande base en fait, genre vraiment je crois qu'il y a un peu de mépris aussi là-dedans, genre dans le sens où genre, je suis vraiment en mode si t'es trop un connard tu peux pas comprendre, genre enfin j'ai pas envie de perdre mon énergie à t'expliquer que genre voilà, mais en fait genre moi ça me... Enfin, je pourrais genre prendre, enfin d'ailleurs genre si j'ai déjà eu l'occasion d'avoir genre des coordinateurs ou bref genre et de leur dire que c'était pas si compliqué que ça etc, mais en fait genre vraiment je vais pas mettre toute mon énergie sur parler du fait qu'il y a des personnes non binaires qui existent, que l'expression de genre et que parce qu'en fait genre juste il y a des trucs beaucoup trop énormes, enfin genre en mode beaucoup trop violent en fait, déjà. Après, t'as écrit plein de mails aussi par rapport au fait que genre notamment sur le j'ai écrit sur l'essentialisme de non mais oui tout, alors mais... par contre oui mais parce que l'essentialisme aussi tu vois genre c'est la base de enfin de toutes les autres oppressions tu vois genre donc parler d'essentialisme parce que genre moi je pense fondamentalement que la médecine fait partie des créatrices genre d'oppression et légitimise les oppressions par des discours pseudo-scientifiques genre et donc du coup je remets en question cette enfin l'essentialisme. Par contre je vais pas aller jusqu'à dire que bon, même si bien sûr que, enfin je vais dire que le genre c'est spectral etc, enfin voilà quoi, mais genre ça va vraiment pas être le truc number one sur lequel je vais combattre parce que genre juste il y a des propos qui sont directement violents en fait genre et agressifs quoi, genre c'est pas des trucs on n'a pas déconstruit et donc du coup on le dit et voilà et quand on y réfléchit ça change, non genre là il y a vraiment des fois où les propos sont violents et agressifs et ont des conséquences directes sur la santé des personnes, donc genre la non-binarité c'est, enfin ça fait partie des trucs qui me saoule en tant que personne NB, mais c'est vraiment pas là-dessus que... Tu voulais rebondir ? Après, je passe à autre chose, parce que... Non, j'allais juste dire que, bah, du coup... Le seul truc où j'avais un peu fait, où j'avais un peu essayé de réagir, enfin d'agir d'ailleurs, c'était plus une action qu'une réaction, c'était bah justement quand j'étais en master de bio, on m'avait demandé, j'étais en anthropobiologie, donc bah, en gros une espèce de branche de la biologie humaine, mais du coup voilà, on travaillait beaucoup sur les méthodes de détermination à partir de squelettes, donc de détermination de l'âge, de la taille et du sexe, évidemment, voilà. Et bon, j'avais voilà, ironie du sort, je m'étais vu attribuer les méthodes d'estimation du sexe, évidemment. Donc du coup, j'étais avec c'était un travail de groupe, mais j'étais avec des personnes qui étaient des potes, et donc je leur avais un peu expliqué et tout. Et enfin, on avait pas mal discuté et on avait fait un truc visant à, pour le coup, à expliquer vraiment en mode béaba ok, en fait, de quoi on parle quand on parle de sexe, parce qu'il y a le sexe phénotypique, il y a le sexe génital, il y a les caractères sexuels secondaires, voilà, il y a tout ça. Par ailleurs, il y a le genre qui est mis en adéquation avec ces paramètres-là qui peuvent ne pas être en adéquation entre eux. Enfin, on avait un peu tout décortiqué. En gros, remettons un peu ce qui est socialisation, ce qui est biologique, ce qui est défini comme biologique, enfin, ce qu'on a gardé comme case et pourquoi. Enfin, on avait essayé un petit peu de synthétiser tout ça. J'étais assez fière de mon truc et juste bah, pour résumer comment ça s'est passé, je pense que c'est aussi ce qui m'arrête un peu d'intervenir maintenant, même si c'est pas du tout le même cadre, et qu'en vrai je pense que ça pourrait être plus intéressant d'intervenir maintenant sous cette forme. Mais bon, à ce moment-là, du coup, j'étais face à des grandes pontes chercheuses en biologie qui avaient un peu réussi, quoi, dans le truc, et qui m'avaient regardé calmement, expliquer tout mon truc, où moi, j'étais un peu en mode, à la fin, un peu en mode, ah, voilà, vous comprenez maintenant ? Et le directeur du master m'avait regardé très tranquillement, il me dit, mais oui, mais bien sûr, bien sûr. Il m'avait dit, bien sûr, alors que jamais on avait entendu parler de tout ça dans nos cours, hein, mais bien sûr. Mais bon, nonobstant, c'est quand même des méthodes qui sont encore utilisées, nanana. Enfin, en gros, en fait, ouais, bien sûr, mais bon, on s'en fout, quoi. C'est, et c'était, sa réaction, c'était, ah oui, mais ça, on sait, quoi. Hein, c'était ça l'idée, c'était ça, on sait, mais on s'en fout. Mais j'étais un peu là en mode. Oui, mais en fait, les gens qui découlent derrière, elles sont pas. Et il y a un truc sur lequel je m'étais notée, j'avais envie de rebondir, c'est le côté. La peur de. Nommer les choses et de, enfin, de pas avoir, enfin, du coup, de pas parler, je crois que c'est toi qui en parlais, sur le fait de pas nommer, de pas vouloir parler de transidentité, de pas vouloir parler de l'ensemble des sujets, etc., qui est un peu genre, et qui se retrouve aussi d'un point de vue raciste sur le on ne voit pas les couleurs, donc en fait ça n'a pas, enfin, on va pas s'occuper de ça, alors qu'en fait, bah, d'un point de vue médical, ça a des vraies conséquences, c'est-à-dire que du coup, toutes les normes et tout, on ne sait pas, genre, soigner les peaux noires, on ne sait pas soigner, enfin, il y a plein de choses qui passent à la trappe, ou alors, ou du coup, ça laisse aussi libre passage à tous les autres stéréotypes et dans le soin, etc., et qui soient aussi, du coup, bah, sur le genre. Et du coup, enfin, une question que je me posais, c'était, est-ce que du coup le fait d'être out en tant que personne trans dans vos milieux, que ça soit scolaire ou professionnel, enfin, est-ce que vous avez l'impression que, est-ce que vous ressentez le fait que ça remet en question par exemple cette légitimité? Ça me faisait un peu penser à ce que disait Lox aussi par rapport au lien aussi avec la psychophobie, le fait que t'es pas, qu'on t'ait envoyé en une de psychiatre, etc. Donc il y a un peu une façon de discréditer ta parole. Et est-ce que le fait d'être une personne trans, du coup, vous avez l'impression que genre vous ressentez le fait que vous avez moins de crédit en fait auprès de vos collègues néo? Ça dépend des collègues en fait. Ouais. Je dirais que ceux avec qui je suis actuellement, ça va à peu près, mais par exemple l'année dernière. Clairement, bah, j'étais dans le cas de figure que j'ai décrit précédemment, où il y avait vraiment les deux catégories de mecs, les vrais mecs et ceux qui sont pas jamais de vrais mecs, le non-binaire, le trans et puis l'autre qui est féminé. Voilà. Où là, clairement, je m'en rappelle être monté au créneau pour pas mal de trucs, mais on m'a jamais écouté. Alors que l'autre, le collègue, le vrai, qui faisait n'importe quoi à côté, mais comme il en imposait plus que moi, ben oui, lui on l'écoutait, alors que en vrai, plus un truc de masculinité du coup qui validait ou pas. Ouais, voilà, c'est une histoire de validation. Déjà, il y a une différence, je trouve, de considération entre un médecin homme et une médecin femme. Mais c'est vrai aussi pour les personnes trans quand elles sont out, hein, clairement. Peu importe de quel sujet tu parles, même si tu parles pas de quelque chose lié au genre ou. Ouais, non, okay. De n'importe quoi. Que ce soit dans le cadre professionnel. Pour dire, une fois on avait un cas d'un patient compliqué avec une infection compliquée, on avait tous les six un avis différent. Et donc du coup le grand chef, le N+1, avait appelé l'un de ses collègues de Paris, PUPH, Grand Pont parisien, pour avoir l'avis, et s'est trouvé que ce mec-là avait le même avis que moi. Les gens, ils étaient limite. Impossible. Ouais, voilà. Ah, ça les avait vraiment contrariés. Je voyais qu'ils étaient blessés dans leur autorité mâle. T'es dit, putain, c'est l'autre là. Merde. Tiens, il a même pas dit. C'est chaud. Après, bon, honnêtement, ça dépend vraiment des collègues. Je l'ai ressenti dans ce service là. Là, dans le service où je suis actuellement, ça va, je le ressens pas trop. Enfin, c'est plus des problèmes encore de mégenrage et de trucs. Parce que. Et pour toi, c'est lié au service, juste contextuellement par rapport. Un peu le hasard des personnes qui s'y trouvent, ou tu penses que Ça dépend vraiment du type de service qui amène genre un certain type de professionnel un peu plus safe selon le service. Honnêtement, je pense qu'en chirurgie, c'est plus compliqué qu'en médecine. Je le dis depuis un moment, c'est pour ça qu'on rigole. C'est vrai, pourquoi d'après toi? Un câble. Pourquoi? Non, bah les chirurgiens, bon déjà c'est Dieu sur terre quoi. Déjà de base, il y a une reconnu. Culture, oui, ouais. Bah il y a une culture machiste qui est très importante. Déjà c'est plus masculin, il y a plus de mecs en chirurgie que de personnes signées filles, clairement. C'est tous les niveaux. Hein. Mais l'équipe infirmière c'est pareil, il y a plus d'infirmiers et les IBA de soins supportables. C'est déjà entre eux, c'est un peu la guerre du phallus. Alors si en plus toi tu en as pas et tu viens sur leur plate-bande en oui je suis un mec mais tata, tu peux pas faire jouer à qui va pisser le plus loin puisque t'en as pas. Non c'est vraiment la c'est vraiment la phallocratie en chirurgie plus encore qu'en médecine. C'est une culture très machiste de base. Enfin j'ai entendu des fois des trucs de filles, de femmes, de personnes identifiées comme telles qui se faisaient mais bizuter quoi quand elles arrivaient dans ce milieu. C'était. Et puis moi à chaque fois je me suis pris des remarques sexistes. C'était ben, en chirurgie ou en cardiologie aussi, parce que les cardiologues aussi ça certaines. Et c'était vraiment. C'est vrai qu'en maladie infectieuse, en médecine interne, on est plus habitué à voir de tout. Que ce soit couleur de peau ou genre, où on est plus habitué finalement parce qu'on traite plein de choses dont moi je suis à Saint-André les VIH, les IST, les trucs aussi comme ça, donc c'est vrai que j'ai plus l'habitude et mes collègues ont plus l'habitude aussi de voir un peu de toute personne, donc il y a moins ce problème là quand même que un service comme la chirurgie où c'est beaucoup de blancs mecs avec de gros biceps. Enfin, genre, moi honnêtement, c'est le genre de personne que je fréquente, mais je vais en salle de sport et j'essaye de pousser. Non, parce que je suis aussi passé par cette phase où je voulais absolument me conformer à l'image du mâle alpha, on va dire. Alors j'allais en salle de sport et je poussais des kilos de fonte comme ça pour avoir des gros muscles, pour être le plus normatif, hétéronormatif. Par rapport au travail essentiellement? Ouais, et puis même le milieu social, parce que je viens d'un milieu vraiment traditionnel où, enfin, genre clairement dans ma famille, enfin les mecs, c'est un peu ça. Donc je me suis dit pour que mon père et toute sa clique me reconnaissent en tant que fils, je vais moi aussi être le plus balèze possible et le plus poilu possible, n'est-ce pas? Bon, ce qui est ridicule, maintenant je me suis dit non, mais je vais pas encore me taper les clichés des mecs alors que les clichés des meufs déjà ça me saoulait donc j'ai stop. Mais voilà, c'est une culture qui est un peu comme ça en chirurgie, plus qu'en médecine encore. De vraiment l'image du gars viril qui sauve des vies, mais c'est plus fun la chirurgie que la médecine, tu vois, parce que tu mets vraiment les mains dans. C'est toi qui l'as fait, tu vois, c'est toi qui l'as sauvé. Ouais, voilà, donc. Ouais. Ok, tu vois. Suite de la table ronde à venir la semaine prochaine sur Au bord des corps. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Au bord des corps.